Alors, il est toujours délicat de discuter un ouvrage en public. C'est engageant, car cela demande d'être à la hauteur, de savoir se mesurer, où ça peut arriver, de justifier d'éventuels désaccords, d'aller jusqu'au bout d'une critique argumentée. Par contraste, c'est tellement plus confortable d'écrire un compte-rendu chez soi, puis, en toute innocence, de l'envoyer à un tel journal d'un simple clic de souris. On a alors affaire à un texte qu'on essaie en principe de dissocier de son auteur pour en évaluer le simple contenu, suivant des critères recevables sans arrière-pensée. Le papier finalement publié, l'affaire est pliée. En revanche, cette position de surplomb est mise à mal lorsque l'auteur est présent, en chair, juste à côté, prêt à répondre, éventuellement à en découdre, et l'habitus pugilistique, si bien incarné par Loïc Vacan, de prendre en puissance le pas sur l'habitus scientifique. C'est un tout autre jeu qui commence alors, qui suppose des savoir-faire communicationnels et peut-être heuristiques, que je ne suis pas sûr de maîtriser, mais n'allons pas jusqu'à de telles extrémités. On s'assure en effet, si la disputation ne manquera peut-être pas de surgir aujourd'hui, au détour d'une question pourtant bien intentionnée, c'est surtout pour le sport, pas tout à fait de combat, mais que je soulèverai d'éventuels points de discussion. Ces deux ouvrages sont l'occasion de réfléchir sur des sujets que nous, sociologues, n'abordons qu'à la marge ou que souvent nous faisons mine de trouver entendus. Or, la question abyssale, à quoi servons-nous ? Donc, c'est l'interrogation titre de cette séance qui trahirait une forme de perplexité ou pire, une inquiétude diffuse. On peine encore à apporter des réponses qui puissent trancher une fois pour toutes et pour cause. Chacun a son point de vue. En la matière, le consensus n'est certes pas gagné, j'y reviendrai. Alors, m'efforçant d'honorer le cahier des charges, je commenterai les deux livres en essayant de faire ressortir des thèmes communs, des points d'accroche, voire d'accro, pour faire dialoguer les auteurs présents entre eux et la salle plus qu'avec moi, parce que la division du travail est claire, je ne suis qu'un passe-plat qui remplace in extremis Alain Chenu. Mais avant de commencer, j'insisterai sur le fait inévitable et par ailleurs souligné par François Dubet dès l'introduction de son ouvrage, mon point de vue est lesté par des biais et des problématiques, quelques indécisions aussi, qui peuvent trahir un certain positionnement épistémologique, peut-être professionnel aussi, hein, sociologue un peu planqué au chaud dans une institution depuis un an. Je ne cacherai pas, par exemple, que je ne suis pas au clair avec la question de l'engagement, de sa définition, de ses ressorts normatifs comme de ses conséquences dans mon activité de chercheur, qui a encore beaucoup à apprendre et une expérience à consolider. Je soulignerai en outre que je ne suis pas spécialiste de ces questions. C'est même la première fois que je les traite, ce qui n'est pas pour me rassurer, parce que je ne dispose pas d'une conception articulée de ce à quoi devrait ressembler la sociologie. Bref, c'est une lecture possible parmi d'autres, située donc, comme on dit, et je tâcherai de faire émerger des problèmes qui puissent faire sens collectivement. De ces lectures, je tirerai sans exhaustivité deux grandes rubriques résumées chacune par un mot, neutralité et réflexivité. En mettant en lumière quelques enjeux charriés par ces notions valises, je suppose que cela entraînera des réactions. Alors j'ai choisi de ne pas traiter de façon frontale les deux ouvrages parce que j'ai vraiment pas le temps en fait. Donc je vais me concentrer sur la discussion de ces deux thèmes-là, en les articulant et en voyant comment ça percole dans vos discours. Et donc avant d'ouvrir les notions valises, quelques mots sur les ouvrages donnés à lire. Dites-nous, François Dubet, à quoi sert vraiment un sociologue ? Alors le titre signalétique de la collection Chermant Collin laisse songeur, vraiment. Après le psy, le médecin et le critique gastronomique, il est donc demandé aux sociologues, non pas à la sociologie, de se mettre à table. En quoi donc consisterait l'utilité du sociologue, et a fortiori ce nous ? La question fait le miel des introductions et autres invitations à la sociologie, alors j'ai fait tout un listing, j'ai pas le temps aujourd'hui. Dans le genre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sociologie, sans jamais oser le demander aux sociologues, l'offre de livres est pléthorique. François Dubet ajoute donc une pièce au dossier. Son livre consiste en une variation en 11 chapitres sur le thème de l'utilité, mais pas seulement, avec pour contrainte de parler de soi un minimum, afin d'incarner le propos. Il se plie à l'exercice, non sans souligner d'emblée qu'il ne prétend à aucun instant prêcher la bonne parole, ni porter une quelconque parole qui lui vaudrait pour l'ensemble de ses collègues. François Dubet n'a de cesse de préciser les limites de son point de vue, mais aussi, par différence, ce que sa position, situation d'observateur, plus qu'expérimenté, lui permet de voir. Quand d'autres membres de la tribu, donc la tribu, terme qui revient, n'éprouvent aucune difficulté à se découvrir, en toute extimité, à livrer par le menu leurs expériences de terrain, On sait gré à François Dubet de maintenir une forme de réserve, peut-être de pudeur. Il faut attendre le chapitre 9 pour qu'il raconte son parcours et révèle au compte-gouttes les raisons pour lesquelles il s'est engagé en sociologie. Et aujourd'hui, on a eu quelques éléments en plus. Les papiers rassemblés dans Des sociologues sans qualité préviennent également cette pression de l'autofiction sociologique. L'objectif, martelé dans l'introduction, est de donner une représentation plus réaliste du métier de sociologue. Ça supposerait de découvrir la tambouille de la recherche en train de se faire, de la démystifier. C'est une bonne idée, il faut dire, aux étudiants qui seraient tentés de lire l'ouvrage. Cette perspective ne peut être que profitable. Ils apprendraient, chapitre après chapitre, comment les enquêteurs se débrouillent sur des terrains qui engagent, parfois corps et âme, donc s'y confère le dernier chapitre, l'avant-dernier. Chacun a sa recette et expose les problématiques auxquelles il est confronté, les dilemmes moraux, politiques aussi, résultant de l'interaction avec les enquêtés, les éventuelles difficultés et déconvenues qui émaillent le travail d'enquête. Et je me prends à regretter de n'avoir pas été socialisé à la recherche à l'IRESCO, où le séminaire à l'origine de l'ouvrage s'est tenu de 2004 à 2009. Alors en thèse, au même moment, dans un département où persévérait peu ou prou la représentation convenue du métier défié dans Des sociologues sans qualité, je me serais épargné bien des obstacles, mais passons. J'en viens aux deux thèmes de la neutralité et de la réflexivité. Le premier est crucial pour nous penser comme groupe professionnel. Elle continue de faire jaser et on peut penser qu'on n'est pas prêt de parvenir à un consensus à son endroit. Impossible, la neutralité, comme l'énonçait en connaissance de cause l'historien Howard Zinn. Les exemples sont nombreux de chercheurs situés dans, à la marge ou carrément outsiders de l'université qui se sont fait fort de briser la doxa du nôtre. Je pense, parmi les chercheurs les plus visibles de ce qu'on appelle aujourd'hui la public sociology, à Éric Fassin. Son positionnement me paraît exemplaire d'un refus d'une certaine idée de la neutralité axiologique. Il l'a répété avec force dans la conclusion de son livre « Le sexe politique » paru en 2009. « Les sciences sociales sont engagées, soutient-il, toujours dans la société, elles sont interpellées, éventuellement récupérées. C'est de l'ordre de l'inévitable. » En sorte que la neutralité axiologique, il faut toujours la mettre entre guillemets, est une illusion, qu'en vérité, c'est l'engagement qui confère aux sciences sociales leur positivité. Selon Éric Fassin, pour peu qu'on parvienne à retraduire dans des termes acceptables du champ scientifique les enjeux souvent les plus brûlants de la société, à préserver ainsi l'autonomie indispensable à l'exercice de notre métier, il est utile et même nécessaire de confronter son expertise, de se laisser bousculer. Alors dans « Dites-nous », j'abrège, François Dubet propose sa version de l'insertion sociale du sociologue, en phase avec le registre de l'intervention sociologique. Alors là, je le cite longuement. « Le sociologue, écrit-il, est défini par un double engagement. D'un côté, il est engagé dans la société, et plus particulièrement par les causes, entre guillemets, et par un lien fort avec ce qu'il étudie, ce qui suppose qu'il ne mette en œuvre que des modèles qui s'appliqueraient à lui-même. » Vous l'avez répété tout à l'heure. D'un autre côté, le sociologue est engagé dans une activité de connaissance dont les règles et les contraintes l'éloignent des univers de signification que les acteurs sociaux se donnent eux-mêmes. L'engagement, conclut-il en décalage avec la sociologie critique, c'est la capacité de supporter ce décalage et de le maîtriser alors que la pose critique est une manière de l'abolir puisque les acteurs sociaux sont aveugles et sourds. Les sociologues, donc, ne vivent pas en apesanteur et ils ne peuvent que trouver intérêt de connaissance à se saisir des problèmes sociaux. Ils sont concernés autant qu'ils concernent, car leurs résultats ne tombent pas dans l'oreille de sourds. Et François Dubet le sait pour l'avoir expérimenté, il arrive que la critique soit, je cite, « avalée par le système », en sorte que la prudence est de mise. Alors Delphine Naudier et Maud Simonet soulignent l'emprise d'une représentation convenue de la neutralité axiologique, héritée de Raymond Aron. Suspension du jugement, hantise du jeu avec les valeurs, obstination dans un objectivisme rassurant, pour ne pas dire complaisant. Il est clair qu'une certaine vulgarisation du slogan aronien a contribué à maintenir une vision qui ne tient pas et qui, du moins pour les chercheurs éprouvant jusque dans leur chair, les tiraillements de l'engagement, est proprement irrecevable, sinon même intolérable. Le confort bourgeois de l'expertise ex cathedra, du haut de la chair, pour reprendre la thématique weberienne, sonne faux, et ça n'est pas sans arrière-pensée. Se basant avec profit sur l'indispensable traduction du savant et du politique proposée par Isabelle Kalinowski, Delphine Naudier et Maud Simonet soulignent que l'interprétation aronienne de la neutralité axiologique correspond à un certain positionnement politico-idéologique. De la sagesse qui garantirait cette norme comportementale contre les débordements du marxisme dans le contexte agité des années 60. Alors on peut trouver pertinente cette lecture, mais il me semble qu'elle est trop tranchée. Elle manque de nuances et oublie de signaler que certaines positions contre lesquelles Aron Ferrayet poussait loin l'ethnocentrisme épistémologique dénoncé au même moment par Robert Merton, qui lui aussi a été rendu coupable de compromission avec l'universalisme bourgeois. Il n'est qu'à lire, entre autres mises au point récentes, l'excellent livre de Marc Joly sur Norbert Elias, qui en passe par une étude serrée sur la réception française de l'auteur d'Engagement et distanciation, pour voir combien dans les années 60 les rapports de force étaient subtils, en clair-obscur. Bourdieu, vous l'avez rappelé, champion escalité de la réflexivité et spécifiquement engagé, surtout après 95, brillait par sa prudence toute haronienne alors qu'il était l'assistant du maître en Sorbonne. Et il ne ménageait pas sa peine pour être haron compatible. Cette question d'interprétation de l'histoire de la sociologie des 60s, un miroir aux alouettes peut-être, m'amène à soulever un problème afférent. De la même façon que la position d'Aaron pouvait servir des intérêts, singulièrement la mise à distance des concurrents idéologiques, ils ne s'en cachaient certes pas, on pourrait interroger les raisons du retour en grâce d'un engagement au pluriel, qui peut-être à juste titre court-circuite le fantasme de la neutralité. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui il semble utile et même nécessaire de souligner cette qualité. Autre élément, par esprit de contradiction, je me ferai le défenseur de la neutralité, ou à tout le moins d'une certaine idée du neutre. Et peu importe si c'est des questions bassement épistémologiques. J'irai à l'essentiel. Bien conscient qu'on pourrait passer des heures à disserter sur la distinction fait-valeur, le statut épistémique de l'objectivité, je partirai néanmoins d'un auteur qui pose cette question-là, mais de façon un peu déplacée, donc qui, à l'orée des années 60, tirait la sociologie vers la sémiologie la plus engagée, contre les mythologies de son temps, d'une certaine façon critique, puis s'est laissé gagner par le désir du neutre. Je veux parler de Roland Barthes. Dans son cours au Collège de France de 77-78, réédité en 2002, il met en relief et en suspension la force d'une figure mal comprise du neutre. Il rappelle dans son cours que le neutre a, je cite, « mauvaise presse ». Il est ingrat et n'a rien de séduisant. Il est fuyant, feutré, flasque, confine à l'indifférence, à l'impuissance, au scepticisme, au détachement. Il est associé au vil silence, à l'incapacité de s'émouvoir, de s'indigner, de succomber à la sainte colère, à l'instar de Bourdieu. Il voile, dissimule, cache quelque chose et obvie la sincérité qu'engagerait toute prétention à dire le vrai. Bref, il constitue rien de moins qu'un scandale sociologique. Pourtant, contre les facilités de l'emportement et le pathos d'une définition entendue de l'engagement, contre l'image du neutre comme grisaille, précisément, Barthes souligne que le neutre, je cite, « peut nous renvoyer à des états intenses, forts, inouïs, mais aussi, c'est le Barthes d'après le fragment du discours amoureux, hein, mais aussi à la bienveillance, à la délicatesse et à la retenue. Il est ce en vertu de quoi le paradigme, la langue, l'idéologie peut être déjoué. Il informe une praxis de lutte, une résistance, une activité de choix qui n'est pas abatique et qui consiste bien plutôt à suspendre, je cite encore, les ordres, lois, communations, arrogance, terrorisme, mise en demeure, demande, vouloir saisir et par approfondissement à refuser le pur discours de contestation. Ce Barthes, très zen et revenu de la curiosité pour la doxa du grand timonier, réhabilite donc le neutre. Mais je m'égare. Disons que si je n'endosserais pas nécessairement tous les attentus de ce point de vue très daté, qui certes n'a rien de sociologique, il me permet de déplacer la représentation complaisante de la neutralité axiologique, mais un peu différemment de ce que vous faites dans les sociologues sans qualité. Il fait craquer la version haronienne. Ce neutre-là meut, il est un principe actif plutôt qu'un état. Car il y a une force du neutre. Cette force est rhétorique, on le sait, depuis que la déconstruction post-structuraliste et la critique textuelle, en anthropologie notamment, ont révélé l'inconscient épistémologique du discours de vérité. L'expression de la neutralité, tout comme la rhétorique de l'objectivité qui lui est liée, peut servir d'arme dès lors qu'il est question d'affirmer des choses sur l'état du monde tel qu'il est. Sous couvert de neutralité argumentative, les évaluations les plus sommaires peuvent prospérer. Alors j'ai trouvé un exemple que je vous soumets. Un seul exemple donc. Dans un opus court intitulé « Déclin de la morale, déclin des valeurs », paru en 2002, Raymond Boudon, pourtant si prompt à débusquer chez les autres les a priori argumentatifs et les biais cognitifs, estime justifié de balayer d'un revers de main les tendances contemporaines en matière de valeurs esthétiques. Je cite. « L'affirmation du droit pour chacun de choisir et d'exprimer ses valeurs a produit, Tocqueville l'avait prédit, et il prédit toujours tout, un déferlement de vulgarité italique. Elle a nivelé les valeurs artistiques. » Les œuvres difficiles d'accès, supposant patience et préparation, sont placées sur le même plan que les œuvres faciles, à consommation instantanée. Quelle horreur! Les œuvres qui procurent avant tout plaisir sensuel et extase physique, et dont l'effet est éventuellement accru par la consommation de drogue, relèguent celles qui évoquent les grandes questions de la condition humaine. Fin de citation. J'aurais pu continuer sur la littérature graveleuse de Catherine Millet, mais bon, bref. Ou comment la célébration des valeurs actuelles, des classiques, classiques en italique, contre le relativisme esthétique révèle des bonnes raisons de M. Raymond Boudon, sociologue à ce qualité, qui ne trouve pas donc utile de situer socialement. Donc là, on avait un exemple de paravent neutraliste. Mais cette force du neutre ne relève pas de la seule manipulation d'éventuelles audiences. Le discours neutre est capable de puissance expressive. Il compose avec le tragique, par exemple, dont la vie sociale est emplie, pour reprendre un thème cher à François Dubay, pour qui, je cite, « la sociologie apporte un peu de lucidité et d'intelligence ». Un peu. On est loin ici de la pose critique et de la jouissance procurée par la contestation ou l'insoumission. Et là, je signale qu'en direct, en ce moment même, il est midi, hein, un colloque a lieu au théâtre de l'Odéon, sous le titre entendu « Bourdieu, l'insoumission en héritage ». Voilà. Donc là, on a ce genre de connexions qui sont faites, hein, pour qualifier l'idéal de contestation de la sociologie. Alors qu'on s'entende bien, ce n'est pas que je veuille avoir raison avec Aron. En revanche, je suggérerais l'intérêt d'un réinvestissement de la neutralité, qui est aussi une conquête épistémologique. Une qualité de première importance, en d'autres termes. Alors, cette idée n'est pas neuve. En France, elle est défendue notamment par Nathalie Hennick, depuis une bonne vingtaine d'années, sous la rubrique de la neutralité engagée, en phase avec le concept aronien de la neutralité axiologique, et du point de vue d'une sociologie des valeurs, l'auteur de « Pourquoi Bourdieu ?» pense qu'il est possible de faire la part entre descriptivité et normativité dans l'intérêt premier de la science, les questions de science. Exit ici la figure de l'intellectuel engagé qui ferait obstacle à la coupure désirable entre les jugements sur les faits et les jugements sur les valeurs. S'y substituerait celle du sociologue, en mesure d'énoncer des états de faits objectifs pour qui, en conséquence, je cite, « la neutralité n'est pas un fait, une réalité établie, mais un programme d'action et de jugement, et plus encore une visée ». À l'encontre du schème routinier de la rupture, précise encore Hennick, la neutralité du sociologue est une façon d'entrer autrement dans la mêlée, sans pour autant se laisser plaquer, entraîner ou encore jouer les arbitres de champ. Dans la constellation des sociologues dits pragmatiques, quoique en opposition frontale avec Hennick, pour une fois, Philippe Corcuff peut aussi mettre en avant le fait, allié à l'exercice salvateur de la réflexivité sociologique, j'y viens progressivement, que la neutralité axiologique constitue, je cite, « un horizon régulateur, jamais complètement atteignable, mais orientant l'activité. Une activité fatalement prise en tension entre engagement et distanciation, le vieux thème éliassien, et qui gagnerait dès lors à reconnaître ses impuretés et fragilités constitutives. » Ces questions ne font pas consensus, loin s'en faut, et il arrive que les tenants du neutre, bien compris, réajustent leur point de vue au gré des épreuves de justification. Alors, soulignons que cette acception méta de la neutralité axiologique, qui, surtout chez Hennick, garantirait la description des valeurs et des capacités critiques des acteurs amenés, par exemple, à répondre de leurs actes ou de leurs opinions, est néanmoins plus difficilement tenable, bien que théoriquement concevable, dans les configurations de recherche où les valeurs dont il s'agit de rendre compte portent atteinte à la commune humanité des acteurs ou à des principes de justice universellement recevables. Dans la zone grise, on fait alors face à des dilemmes qui exigent plus que la clairvoyance axiologique du chercheur. Vous avez évoqué d'ailleurs des situations de ce genre-là. Alors dans le prolongement, je suis désolé, je suis très enrhumé, c'est difficile de parler. Dans le prolongement, et juste en passant, je lis dans l'introduction des sociologues sans qualité que les épistémologies sont situées. Vous l'avez répété tout à l'heure. En ce sens, les approches féministes, la black sociology, plus récemment les théories dites intersectionnalistes, ont insisté sur le constat suivant lequel les assertions les plus neutres seraient en vérité des effets de la domination, dit Colette Guillaumin, d'où qu'elles procèdent. Les jeux de pouvoir, les rapports de classe, les asymétries de genre, etc., infuseraient dans les assertions frappées du sceau de l'objectivité. Mais s'il y a toujours mise en situation, pourquoi tout simplement le dire? En d'autres termes, et par opposition, qu'est-ce que serait une épistémologie qui ne serait pas située? Pour reprendre une critique de Francis Château-Renaud, du répertoire un peu figé de l'action située. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'épistémologie de la situation. Toujours en lien avec un concept non-aronien et réajusté de la neutralité, il me semble qu'on a tout intérêt à retravailler, en toute lucidité, l'idée de la « view from nowhere » théorisée par Thomas Nagel. Excusez-moi, excursion en philosophie. Plus que de seulement mettre en situation les points de vue, d'insister sur leur irréductible inscription sociale historique, d'où parles-tu, avatar du sophisme génétique décrit par Kevin Mulligan, qui consiste à éluder le contenu d'une idée pour se focaliser exclusivement sur sa genèse et surtout sur les intentions de son auteur. Bref, on pourrait parier à l'inverse sur une approche, dont je ne saurais préciser aujourd'hui les modalités autrement que de façon spéculative, qui puisse nous extraire, nous sortir de nous-mêmes par l'objectivité, l'objectivation, par-delà le corps à corps solitaire entre le sujet et son objet à construire. Bien sûr, ça n'est pas une idée révolutionnaire, elle a même plutôt l'air contre-révolutionnaire, plutôt même ringarde. Je sais combien cette vue à perspective est l'objet de critiques sévères, et de toutes parts, en philosophie des sciences comme dans les cultural studies. Il y a une littérature immense, enfin, j'ai simplement googlé neutralité, épistémologie située, c'est effrayant, on croule sous la littérature. Cela dit, dès lors que l'on concède, comme le suggère Nagel, l'existence d'un point de vue, d'un point aveugle, un blind spot, que nous reconnaissons que notre prétention à l'objectivité est à chaque instant essentiellement inachevée ou incomplète, nous passons un cap. Nous tendons vers l'objectivité, de façon rationnelle critique, popérienne peut-être. Donc nous nous détachons de notre point de vue subjectif. Il y a aussi un potentiel heuristique du surplomb, quand bien même il serait initialement situé. Et sa réévaluation ne saurait donc se réduire à la reconduction de la figure de l'intellectuel scolastique. Alors certes, on peut toujours tirer parti et conséquence de notre expérience. En guise d'illustration, vous l'avez rappelé, la situation clivée de Pierre-Emmanuel Sorignet, sociologue et ou danseur, ainsi que les situations d'enquête déstabilisantes de Daniel Biesel, attachées à découvrir et à rendre sensible au drame humain, pour reprendre sa formule. Mais sans exclusive, le défi que constitue l'articulation des points de vue est tout aussi engageant. Des recettes ont déjà été formalisées. Sans épuiser la liste, je mentionnerai par exemple la théorie habermasienne de l'agir communicationnel, qu'on n'est plus du tout aujourd'hui, hélas, la sociologie de la connaissance meurtonienne, peut-être aussi plus proche de nous, en France, les propositions éthico-épistémologiques de Jean-Michel Berthelot, dans les vertus de l'incertitude, ou encore l'idée développée par François Dubet dans l'année sociologique en 1994, d'une vraisemblance à l'intersection du discours des acteurs et de celui du sociologue. Alors ces solutions façonnent des concepts consensuels de l'objectivité et de la vérité qui font place à la situation de l'observateur tout en ménageant la possibilité de son dépassement. Il serait par conséquent intéressant de la confronter encore au paradigme du point de vue situé ou ethnocentré, pour reprendre l'expression de Merton. Le défi est immense. Il en va en effet de la scientificité de notre discipline. À l'appui, je citerai un peu longuement, vous m'excuserez, Bernard Lahire, dont je partage ici les vues. Je cite. C'est une phrase à rallonge très bourdieusienne, étrangement. La question de l'utilité de la sociologie et de l'engagement du sociologue est rarement posée de façon aussi précise par les sociologues, qui conseillent souvent, par ailleurs, d'objectiver les pratiques des acteurs qu'ils étudient. Le plus souvent, les problèmes concrets sont éludés et remplacés par de grands discours abstraits et par des positions de principe autour de la bonne, mauvaise ou fausse neutralité axiologique, de l'engagement ou du désengagement des intellectuels. C'est là que la phrase est très longue. Considéré à ce niveau d'abstraction, le sociologue qui essaie de maintenir contre vents et marées le cap scientifique est d'avance perdant dans la mesure où il apparaîtra toujours plus étriqué et moins héroïque avec son rappel des règles du métier et de la limite des compétences que celui qui lance généreusement, mais totalement gratuitement, l'idée selon laquelle on peut gagner sans difficulté sur les deux tableaux et que science et engagement sont non seulement compatibles mais souhaitables pour le bien de la science, comme pour celui de l'action sociale ou politique. Pour Lahire donc, s'il n'est pas interdit au sociologue de mettre à l'épreuve de l'action ses compétences spécifiques, il ne doit pas, ce faisant, tuer, je cite, ou affaiblir le scientifique qui est en lui. Dernière étape de la discussion, la réflexivité. Qui n'est pas réflexif aujourd'hui ? Au risque de la normalisation, cette valeur, cette vertu épistémique, s'est peu à peu imposée. Alors, dans les science studies, auxquelles j'ai été formé depuis une dizaine d'années, bon an, mal an, elle est devenue en allant de soi une figure obligée. Au nom du reflexive turn, de façon radicale chez des auteurs comme Stephen Woolgar ou Malcolm Ashmore, à la fin des années 80, il en a résulté d'interminables disputes sur le statut de l'expertise des spécialistes dans l'étude des sciences, tellement pris par leur objet qu'ils en perdaient le nord. Delphine Naudier et Maud Simonet, tout comme François Dubet, insistent à juste titre sur les facilités du réflexe réflexif, dès lors qu'il est tout entier centré sur la personnalité du chercheur, s'analysant à analyser les autres. Mais les analystes les plus clairvoyants, les plus intransigeants quant à l'illusion biographique, ont pu se laisser prendre par les contraintes expressives du genre du récit auto-socio-analytique, fut-il à l'état d'esquisse. Delphine Naudier et Maud Simonet suggèrent la présence diffuse d'un nouvel impératif de la réflexivité, très belle expression, il se traduirait par la complaisance narcissique épinglée par Stéphane Beau. Ce dernier nous montre heureusement la voie la plus vertueuse, en poussant assez loin l'objectivation de ses propriétés sociales, ce qui, en l'occurrence, permet d'envisager, selon lui, le problème crucial de la distance sociale, de classe en l'occurrence. L'exploration lucide des engagements dans le monde social, loin de faire écran à l'objectivité et autres vertus indispensables à l'exercice de la science sociale, constituerait donc une stratégie heuristique. Et l'idée selon laquelle les sociologues seraient tenus d'être humains sans qualité pour faire une recherche de qualité, genre, aussi votre expression, très belle formule, de perdre de son évidence. À ce titre, par exemple, le chapitre de Cécile Guillaume et Sophie Pochic montre tous les dilemmes, mais aussi les opportunités cognitives qu'offre la situation de l'expert maison dans le cadre d'une ethnographie institutionnelle. Alors j'abonderai dans ce sens, mais avec un bémol, petit bémol. Le manque de réflexivité est préjudiciable à l'enquête de terrain, autant peut-être que la saturation discursive du thème réflexif. Pour le dire franchement, je me demande si nous n'inventons pas un nouvel artefact rhétorique entretenant une représentation peut-être désirable, mais en tout cas idéalisée de notre métier, une bien-pensance réflexive. Dans son papier, Loïc Vacan plaide pour l'expérience d'une réflexivité épistémique, focalisée sur les instruments de construction de l'objet, plutôt que sur le sujet de l'objectivation, cela contre les formes narcissiques et discursives de la réflexivité. Elle agirait donc pendant toutes les phases, tout le temps, de l'enquête. Elle prendrait les tripes jusqu'à l'intellectuel. L'intellect, pardon. Soit, on sait combien Loïc Vacan met la barre haute en termes d'engagement corporel sur le terrain, en l'espèce sur le ring. Cela dit, je ne puis m'empêcher de deviner, derrière la mise en scène d'une sorte de dolorisme, une vision héroïque du sociologue boxeur qui ne me semble pas indispensable. Le degré de scientificité, ironise Bernard Lahire, ne se mesure pas au nombre de côtes cassées sur le terrain. Cette posture, si elle séduit les étudiants, et j'ai pu le vérifier en enseignant corps et âme pendant 3 ans, ça marche du tonnerre, hein, peut avoir pour effet de mythifier le combat ethnographique. Bien que l'idéal normatif de la réflexivité se justifie, il me semble qu'on gagnerait à ne pas absolutiser son emprise pratique. Retrouver un peu de mesure, donc. Mon expérience de la recherche est encore limitée. J'avoue avoir généralement étudié des objets peu engageants, des objets planqués. Cependant, il m'apparaît que la réflexivité, telle qu'elle est mise en relief dans certaines contributions des sociologues sans qualité, est une attitude cognitive finalement assez rare. Autrement dit, je doute qu'on soit réflexif à 100% et tout le temps. Et quitte à me faire l'avocat du diable, je citerai Bruno Latour au sujet de la formation des scientifiques durs. Je cite. Un scientifique, il faut accepter l'idée de le former bêtement. Pour l'excellente raison que, de toute manière, l'essentiel du training, quoi que l'on fasse, restera répétitif et ennuyeux. Il faut acquérir des savoir-faire, des automatismes, une discipline quasi-physique qui s'obtient quasiment comme la discipline du corps, uniquement par le travail, par l'exercice répété, inévitablement tatillon, fastidieux, stupide. Un bon scientifique qui sera formé intelligemment, ça ne sera jamais un bon scientifique. Trop de fragilité, trop d'état d'âme, pas assez de réflexes. Alors j'irai pas jusqu'à dire que l'apologie de la socialisation à la recherche par une science hyper normale abrutissante est souhaitable, ni que la bêtise devrait constituer la qualité première du bon chercheur, mais cette saillie de Bruno Latour attire au moins l'attention sur des aspects très concrets du métier de chercheur que l'emphase mise sur la réflexivité ne devrait pas minimiser. On pourrait y revenir sur la socialisation au métier de chercheur. Alors je conclurai maintenant. Des sociologues sans qualité, et dites-nous, m'intéressent parce qu'ils confrontent des visions du métier de sociologue. Des générations de chercheurs et d'enseignants-chercheurs exposent ainsi des convictions, livrent leur expérience, afin de garantir une certaine continuité de vue, peut-être, intergénérationnelle. Génération. Je me méfie de cette catégorie, mais comme presque tout le monde, je ne manque pas d'utiliser. Alors je me dis tout simplement, et quitte à frôler l'indécence de la confession publique, j'ai 33 ans, je viens d'entrer au CNRS, je suis évidemment au chaud, ravi de pouvoir consacrer une carrière en devenir à la sociologie. Inutile ici d'en dire plus sur mes motivations personnelles, c'est de l'ordre de la conviction et de la vocation, point. Alors je lis mes collègues plus expérimentés, certains beaucoup plus âgés que moi, et je ne cesse de m'interroger. Alors j'ai lu avec passion quelques témoignages de sociologues entrés dans le métier dans les années 50-60, les Mindras, les Crozier, etc. C'était le Far West, l'âge d'or, tout était à faire, lit-on en creux. Des écoles et des sous-secteurs thématiques se sont formés, des rivalités ont longtemps polarisé la discipline. Ces sociologues et leurs premiers élèves ont connu mai 68, l'effervescence des années 70. Mais les cohortes d'étudiants entrés en fac à la fin des années 90, dont je suis, ont été formées, elles, à regarder dans le rétro, à envier les prédécesseurs, qui ont vécu la professionnalisation bouillonnante de la discipline. Alors, j'ai eu l'occasion de réfléchir dans quelques papiers sur ce qui m'apparaît comme une sorte de dystopie mémorielle. Cette sociologie-là s'est développée en référence à des registres d'engagement, vous en avez évoqué quelques-uns dans votre livre, des registres qui se sont institutionnalisés et par voie de conséquence routinisés. Nous n'avons pas connu les multiples turns, réflexifs, critiques, linguistiques, sémiotiques, etc. Nous tournons en rond. Après l'œcuménisme des années 90, les deux, trois controverses qui ont agité la discipline au début des années 2000, et peut-être à la fin de la décennie aussi, vous l'avez évoqué, je pense avoir compris. Quel horizon intellectuel se dessine pour les années à venir, a fortiori pour ma génération, allez, pour le dire vite, les trentenaires, génération qui est supposée reprendre le flambeau, alors que nombre de chefs d'école et contributeurs de premier plan sont désormais chercheurs honoraires et ou émérites. Ces derniers nous donnent d'ultimes leçons que nous lisons avec profit. Nous pouvons lire, entre autres, les dernières propositions d'Hugues Boltanski dans le petit précis intitulé « De la critique » paru en 2009. Après la sociologie critique, la sociologie pragmatique de la critique, l'heure serait à l'articulation de la critique et de la critique de la critique pour précisément retrouver la vocation critique de la sociologie et ainsi penser les conditions d'avènement d'une orientation émancipatrice qui n'a d'autre nom que le communisme. C'est la conclusion. Reste à voir si, dans le contexte de déstabilisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, et alors qu'on court les luttes de succession et de gestion, d'ingestion, d'indigestion des héritages, un tel discours peut prendre encore. Et pour éviter le nombrilisme générationnel, on peut en outre s'interroger sur le genre de sociologie que nous sommes dans la capacité, et l'envie peut-être aussi, de transmettre aux étudiants que la discipline continue d'intéresser, pour reprendre le titre du dernier chapitre de l'ouvrage de François Dubet. Je finis en prolongeant cette réflexion. En préparant cette intervention, je me suis posé une question qui ne lasse pas de me désarçonner. Sur ces thèmes rebattus, utilité, réflexivité, neutralité, traité tant de fois, condensant une littérature si volumineuse qu'on serait bien en peine d'esquisser ne serait-ce qu'une revue, qu'est-ce qu'on peut ajouter aujourd'hui qui ne soit pas déjà connu ? Sur l'engagement, a fortiori la réflexivité, tout n'a-t-il pas déjà été dit au risque de la banalisation ? Qu'est-il encore possible d'apporter de neuf et d'original ? En lisant l'introduction des sociologues sans qualité, je me suis surpris par endroits à n'être pas vraiment surpris. Les problèmes des rapports aux enquêtés et de la mise en situation du travail d'enquête a fait l'objet d'innombrables théorisations dans les années 90, notamment, soit après le retour de l'acteur, annoncé la décennie précédente par Alain Touraine, de l'intervention sociologique à la sociologie pragmatique, en passant par le sursaut compréhensif du structuralisme génétique, dans la misère du monde. Les possibles pullulent et chacun apporte une pertinence dont il est désormais possible d'évaluer à froid l'utilité et l'effet sur la recherche. Mais si utiles soient ces contributions dans l'ouvrage, parce qu'elles personnalisent des expériences de l'engagement ou de la réflexivité, la plus-value cognitive est à mon sens relativement limitée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est nulle. Pour le dire autrement, les situations dépeintes dans des sociologues sans qualité et dans Dites-nous, ont pour intérêt premier d'individuer les preuves engageantes de la sociologie, se lisent comme autant de témoignages et de partages d'expériences, mais peinent à faire apparaître des problématiques neuves, telles que ça m'est apparu. Sachant que cette nouveauté ne renvoie pas nécessairement à une découverte radicalement disruptive, elle peut être partielle, minime, consister en un léger pas de côté, une marge, une brèche dans une théorie par trop acceptée, bref, une esquisse amorçant des changements plus conséquents. Disons qu'elles actualisent un questionnement. Car certes, notre curiosité est satisfaite à la lecture des rétrospections des Pinson Charlot ou celle d'un Alban Bensa, mais je ne perçois pas tout à fait dans quelle mesure ces exemplifications en personne d'une condition socio-intellectuelle sont en mesure de changer notre regard sur l'état de la discipline, et a fortiori les dimensions professionnelles, organisationnelles qui ont été évoquées à la fin de la conférence de François Dubet. Cette question de l'originalité m'est d'autant plus chère que je me la pose toujours, et loin de moi, très loin de moi, l'idée que mes recherches seraient originales d'une quelconque façon.